You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at Bonjour Minnesota, KFAI, radio without boundaries, non-commercial, community-powered radio. And all that. Oui, pareil. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Adrien. Et bonsoir, Romain. We have a full house tonight. It is nearly a full house, a couple seats free, but, yeah. You know. Yeah, the three musketeers. It is. Especially with the, you two have like le bouc, you have the goatee. The goatee. Mm. So very musketeer like. Oh, wait. Yeah, that's true. Just missing a hat and a cape, but you know, next time. That's all right. There's always next time. I have a hat at home. I don't think I have a cape though. A musketeer hat? No. A cowboy hat. It's like a three horn. Oh, hat. Okay. Oh, yeah. So, un tricorne, yeah. Huh. I think it was a little bit after the Musketeers. Yes. But not by a whole lot. No, like just 100 years. Just about half the life of the United States. Yeah, but what is it in length of time or history? À l'échelle géologique. Exactly. That's for sure. Well, tonight we have a special theme. We are opening the month for February with Black History Month. Mm-hmm. Yeah. And so Black each year we're selecting songs about slavery and discrimination and things like that. Yeah, so, to honor the culture, diversity of cultures. Indeed. Mm. So some of the artists are famous, some less, but that's going to be a lot of variety. I mean, like some more recent than others, and a little bit of reggae and a little bit of rock. But yeah, great. Next week, Valentine's Day. I started to post on Facebook, you know, what's your like the question, what's your favorite love song? Which you really, really like. Yeah, and I will play them. I mean, most of them. Mm-hmm. I mean, I'd play you probably your 10th song. Oh, yeah. Yeah, so I have to send you some songs. Yeah, yeah. But so that should be fun too. Achiever. Yeah. Was asked for 5 and 10. An easy 10. So maybe I'll play 8. Yeah. We'll see. Compromise. Yeah. Or 7.5. Yeah. Oh. All right. So that means I'm going to cut the last one. Yeah. And put a cart. Why not? All right. Well, it's pretty cold today, so stay warm and enjoy the music. We're going to start with Jean-Christophe Jeanne with Esclavage, Le Bois d'Ébène. Yeah. And it's from his album Chant de Marin, the sailor's songs. And he's talking about the fact that when he boarded the boat in Nantes, which is, you know, by the Atlantic Ocean and was a big port for business and exchange of goods, he thought he was going to get some like woods, but not ebony woods. Mm. And so he's talking about the fact that, you know, the trip was not a good one. He was not happy with it. Then Alain Souchon with Poulailler Song. Mm. And it's more about like the public opinion, you know, like people who are talking about other people who are different and, you know, making the majority and stuff like that. And then Josephine Baker with a different song than J'ai deux amours, because it's mostly the one we hear. Yeah. The song is Si j'étais blanche, if I was white. Mm-hmm. And she's talking about the different way she would be treated. Mm-hmm. Mm. All right, on y va? C'est parti! Un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. je ne peux les oublier. Quand je suis parti de la ville de Nantes, je croyais chercher du bois de charpente. Mais ce bateau vendait de la chair humaine. Dieu me pardonne, la route du bois d'ébène. Comme des bêtes, la nuit, le jour, sans pitié, on les fouette. Chaque jour, et les plus faibles qui passent tour à tour. Mémoire me tourmente dès que je suis dans cette ville de Nantes. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est un grand malheur. C'est un grand malheur. Mais comprenez-moi,

de vous étrange, cadre sans couleur, au soleil c'est par l'extérieur qui lance d'or. Moi c'est la flamme de mon cœur qui me colore, et si ma figure, mon corps s'embrunit, c'est parce que la nature me voulait ainsi. Mais je suis songe, dites-moi monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux? Valentine's Day is almost here. Have you thought of what to get for that special someone yet? How about a gift membership to KFAI? It's quick, thoughtful, and guaranteed to fit within your budget. Just go to kfai.org and click donate. You can tell us who you're donating for and how much. Then you can say, anyone can buy a diamond, but I put a jewel in the crown of the Twin Cities by supporting KFAI in your name. Sounds pretty good, doesn't it? KFAI, non-commercial, community-powered, Valentine's Day radio. And we are back, and we just listened to three songs. I really like Alain Souchon, Poulailler. Yeah, it's a good one. Yeah, all of them are great selections. So thank you for that, Freddie. And what did we listen to? So Jean-Christophe Jeanne with Esclavage or Slavery and Le Bois d'Ébène. And then after that, it was Alain Souchon with Poulailler Song. Poulailler is a chicken coop, because they are very loud and, you know, kind of like, I think, yeah, when we talk about poulailler, it's a little bit derogatory in the sense that not only the chicks are loud, but it's like there's no content, you know, it's a lot of noise. And then Josephine Baker with Si j'étais blanche. And good. Yeah. Mm-hmm. And I'm probably going to go see Josephine Baker. Mm-hmm. In the Pantheon? In the Pantheon. Yeah, I think it's something that we're going to do. Yeah. We have a very long list. What do you have on the top of the list so far? Well, it's not top of the list because the list is by categories in between museum, activities, restaurants, parks. So you got to take what's on the top of each? No, I think I'm... He's dodging the questions so yeah, much. Yeah, no, I mean, I'm going to see fine. What we can do. I mean, like, for example, the Louvre is like just 10 minutes from home. We have to do the Eiffel Tower, but it's not my favorite. But there's not much except... Is it April's first time in Paris? Yeah. Oh, yeah. Yeah. Then you definitely have a top some. I mean, I'd like to see the Rodin Museum. It's close to the Invalides. Mm-hmm. But I don't think April's going to like it as much as maybe some other things. So we'll see. I need to group them geographically. Yeah. We're probably going to go to Versailles. Yeah. Just like Rodin, I mean, it's super nice, especially in the summer with the, you know, the garden sun. And some of the best known sculptures are outside. Mm-hmm. Well, right now, temps are in the 40s and it's partly cloudy most of the time. Yeah, that'll be just fine. Partly sunny, like one Parisian day Parisian weather. Yeah. The winter weather. But I hope that it's not going to rain. Too much, yeah. I don't think it's going to be really cold. I mean, there are plenty of things to do inside, too. Yeah. Remember when we were living in Paris in February, I decided to Corey to Istanbul for a few days, thinking, well, February in Paris is kind of gloomy, and let's go to Turkey. And when we were in Istanbul, we had a blizzard. I mean, that was great because nobody was, you know, we could get into Hagia Sophia, you know, within 2 minutes. So that was great. There was nobody. But in Paris at the same time, it was like 55 degrees. And people were sitting outside on the terrace, enjoying, you know, beautiful weather. Yeah. And, we were walking in, you know, 10 you know, centimeters of snow in Istanbul. But that was great anyway. Yeah. That was just one night. But February can actually be nice. Yeah. I remember having some 50s in February. Oh, yeah. So, yeah. We'll see. But yeah, we'll do more things inside if needed. I told her also there's a lot of places that are accessible in metro without having to walk like, you know, a but lot. But you're going to walk a lot, whatever well, we you do. We will, yeah. Because it's Paris. But yeah, the subway is good. Yeah, I mean, like when you go, metro. If you want to go to the Louvre, I can go from my mom's to the metro and stay inside and take the hallways and stuff. So we'll see. So tonight is a special Black History Night, Black History Month. Night. And Black History Month's night. Yes. And we're going to keep on listening songs about slavery and discrimination. So the two songs we're going to listen to is from Pierre Solos. He's very 60s, and two of his songs, I mean, he has more, and he had one for MLK, but I didn't play it. The first song we're going to listen to is called L'Oncle Sam, Uncle Sam, and he's talking about slavery and things like that. And the second song is going to be Noir et Blanc, or Black and White, and he's talking about mixed couples and having kids while being mixed. And then we're going to listen to Triad, so a group originally from Brittany. And the name of the song is La Chanson des Commères. And the Commères are a little bit like the chicks from the Poulailler we were talking about. Yeah, gossip. Like, a lot of gossip. And it's a lot about like bigotry and xenophobia and, you know, not necessarily racism per se, but, you know, it's often the same root. So, all right. On y va? Eh bien, c'est parti. Ok. Je me souviens des bateaux qui partaient au pays de l'oncle Sam, avec les hommes, avec les femmes qui ne revenaient jamais. Et puis mon tour est arrivé de suivre tous les amis. On est venu, on m'a acheté pour aller en Virginie. Oh! Ne me parlez pas de Jésus-Christ, oh, oh, oh, il n'est pas de ce pays, madame, oh, oh, oh, pourtant il ne me reste que lui, oh, oh, oh, pour aider au paradis. Depuis du matin jusqu'au soir, je travaille au cotonnier, avec mes frères les pauvres noirs, sans jamais me reposer. Et puis quand la nuit est tombée, sur la terre et dans nos cœurs, autour de nos feux allumés, nous reprenons tous en cœur. Oh, oh, oh, ne me parlez pas de Jésus-Christ, oh, oh, oh, il n'est pas de ce pays, oh, oh, oh, oh, pourtant il ne me reste que lui, oh, oh, oh, pour aimer au paradis. Je ne reverrai jamais la rivière au piroguier, puisqu'il me faut refaire ma vie sous de nouveaux horizons, je montrerai que j'ai servi à notre libération. Oh, oh, oh, mais il me faut parler de Jésus-Christ, oh, oh, oh, il est bien de ce pays, oh, oh, oh, oui, nous ferons la route avec lui. Blanc et tu es noir, et nous aurons des enfants. Ils seront si beaux à voir que souriront les passants. Ils seront de la couleur que leur donneront nos sangs. Et qu'importe à nos deux cœurs ce qu'en penseront les gens. Ils auront tes yeux qui brillent, ils auront ta peau bronzée. Ils seront garçons et filles, les plus beaux fruits de l'année. Unissons notre jeunesse, ne perdons pas un seul jour. Nous ferons de nos tendresses le plus beau roman d'amour, le plus beau roman d'amour. Je suis blanc et tu es noir, tu venais de ton soleil. Il a suffi d'un regard pour que mon cœur se réveille. Je ne connais pas les îles, mais tu m'en as tant parlé que pour quitter cette ville, il me suffit d'en rêver. Nous partirons en voyage quand j'aurai gagné l'argent pour aller vers les rivages du pays de tes 20 ans. Unissons notre jeunesse, ne perdons pas un seul jour. Nous ferons de nos tendresses le plus beau roman d'amour, le plus beau roman d'amour. Je suis blanc et tu es noir, au refrain de ma chanson, j'ai mis la force et l'espoir de nos vies à l'unisson. Je ne sais pas le futur, mais si tu pars avant moi, mon amour, je te le jure, moi je n'aimerai que toi. Il faut croire à notre chance et bâtir notre avenir, en nous réjouissant d'avance des enfants qui vont venir. Unissons notre jeunesse, ne perdons pas un seul jour. Nous ferons de nos tendresses le plus beau roman d'amour, le plus beau roman d'amour. Écoutez la chanson des banalités qu'aiment tant raconter les commères du quartier, en se plaignant qu'en France il y aurait trop d'émigrés qui font pourtant le travail dont veulent pas les Français. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé, tili la lo, la lo de la lé, écoutez ce que disent les commères du quartier. Nos Parisiens sont tous rassemblés dans les manufactures et puis sur les chantiers. Ils cherchent de l'ouvrage, ils peuvent pas en trouver pendant que les étrangers volent le pain des Français. Partout à Saint-Ouen, il y a des Marocains et pendant ce temps-là, les Français travaillent pas. C'est pas des manières, comme disent les commères, que c'est les étrangers qui trouvent à s'embaucher. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. C'est pas tout, écoutez ce qu'elles ont ajouté. Notre grande ville est remplie d'émigrés, nos Parisiens peuvent plus les supporter. Si ça continue, il va falloir guetter, suivre les étrangers pour voir où s'embaucher. À Villacoublay, il y a des Portugais, et pendant ce temps-là, le Parisien travaille pas. C'est pas des manières, comme disent les commères, que c'est les étrangers qui trouvent à s'embaucher. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. Tili la lo, la lo de la lé, c'est pas tout, écoutez ce qu'elles ont ajouté. Un vrai Français, ça vaut trois émigrés. D'ailleurs, dès qu'il fait beau, ils veulent plus travailler. Au pic à la peine, ils préfèrent le lit pour peupler Paris, la banlieue de bandits. Au Mont-Valérien, il y a des Italiens. Et pendant ce temps-là, les Français travaillent pas. C'est pas des manières, comme disent les commères, que c'est les étrangers qui trouvent à s'embaucher. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. Tili la lo de la lé, c'est pas tout, écoutez ce qu'elles ont ajouté. Ça se nourrit presque à l'œil, ça traîne dans les cafés, ça couche par dizaines dans une chambre à coucher. C'est tout juste à peine s'ils veulent être payés, les patrons sont gâtés, c'est bien le meilleur marché. C'est au Batignol, il y a des Espagnols, et pendant ce temps-là, le vrai Français travaille pas. C'est pas des manières, comme disent les commères, que c'est les étrangers qui trouvent à s'embaucher. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. Tili la lo, la lo de la lé, c'est pas tout, écoutez ce qu'elles ont ajouté. Aux employeurs que je m'adresse maintenant, prenez un vrai Français et vous serez content. Ils sont bien honnêtes aussi que travailleurs, ils nous font d'honneur et je vous dis ont du cœur. Travaille mal maison, il y a des Bretons, et pendant ce temps-là les Français travaillent pas. C'est pas des manières, comme disent les commères, que c'est les étrangers qui trouvent à s'embaucher. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. Tili la lo, la lo de la lé, la tili la lo, la lo de la lé. And we are back. It is 8:31 and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Freddy, Adrien et Romain. And we just listened to three more songs on Black History Month. Exactly. We did listen to Pierre Sellos with L'Oncle Sam. Then the song after that was Noir et Blanc from the 60s. And Chanson des Commères, and it's from Trian with La Suite Galaise. Okay. And yeah, tonight is dedicated to Black History Month, so we're going to keep on listening to songs about it. The upcoming songs are about the sun, and it's a song from Laurent Voulzy, and the name of the song is Le Soleil Donne. It's a very short one, short version, because it's live at the Mont Saint-Michel. Oh, yeah, yeah. It's less than 2 minutes. He did a tour of cathedrals and churches. Oh, nice. Yeah, so he was just performing in smaller venues, and they were churches, cathedrals, basilicas. I've been twice to the Mont Saint-Michel, and I never managed to go in. Oh, yeah. No, because it's beautiful from the outside too. Yeah. But we came in at too late. I think it was 5 p.m. or 6 p.m. or something like that. Oh, we couldn't get in. there are the omelettes, the la mer poulard. It's one of the highlights with the monastery on the top. We didn't really stop. Yeah, we had because we went to Caen just before that. Yeah. So by driving from Rouen to Caen, mm-hmm. and then that was a long we went day. To the beach, and then we went to Mont Saint Michel. Yeah, it was quite a bit. So yeah, yeah. So le soleil donne, the sun is giving. And the full sentence is the sun is giving the same color to people because it's tanning the white people. And then MC Solar with Les Colonies. Ooh. Or The Colonies. Yes, good song. And then a rap from Kerry James with Musique Nègre, okay. Negro's music, featuring Lino and Youssoupha, because there was a controversy at the time, and there was one politician in France who had said, like, we don't want to listen to this kind of music. Mm-hmm. And so that's where the song came to exist. Yeah. Okay. Because Kerry James didn't like it. Yeah. Great set, great set. On y va. C'est parti. On a connu les colonies, l'anthropophage, l'économie, la félonie, la traite d'esclaves, la dette, le FMI, Bruno Jean-Marie. Si je cours, j'ai des raisons, les mêmes que les deux nègres maigres sous un avion. Avant c'était déjà grave de voir des pères qui entravent paysages de gorée. Maison des esclaves, cave sans amour, sans retour, ni recours, sans cours de cassation, sans oreille pour entendre secours. Où sont passés les baobabs et les hordes de gosses dans cette ère de négoce où ne vivent que les big boss. Rentabilité, instabilité, imbécilité n'ont fait qu'augmenter les taux de mortalité. Ce sont des larmes qui coulent dans nos artères, psychose séculaire, j'ai peur quand j'entends charter. Parfois je rêve de mettre un gun dans un paquet de chips, de braquer la banque mondiale pour tout donner aux townships. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Où sont les droits de l'homme? L'homeless, homeless, zigzag et slalom. Donc shalom à tous les gens qui ont connu la haine. Aux enfants de Bohème, Solar, Mama de Cohen. En soliloque, je développe des antidotes non-stop. Fuck la parlotte et des menottes, les brainlocks. J'suis sociopoétique sur mic ou sur cahier. Sans brailler, on n'est pas frileux, pas peur de cahier. Connu les colonies. Par le passé, y a beaucoup d'actes qui nous ont millénaires. Frères et sœurs, c'est l'heure du pacte pour ce millénaire. L'enfer gère la terre mère, Lucifer et Faust entrent dans leur tête dans le but de refaire l'Holocauste. J'ai vu des mecs parler de haine à la tribune d'une façon scientifique. Élimination par l'urne, donc je donne la paix à ceux qui me suivent dans l'OPA. Face à la barbarie, cela s'en met à culpa. Si on est là, c'est pour toujours pousser l'amour pour que nos parcours chaque jour coupent la route au vautour. Et va pas croire cette fois que ce sont

je roule des bâtons dans les jambes. Noir crémite, sale noire, faucheuse. Je dépasse mes limites. J'emprunte les voies rocheuses. Je brûle comme le soleil à son zénith. Accrocheuse, massive, calme majeur levé. Regarde à quoi on me cantonne. Le vrai du faux, je démêle. Sombre attitude comme ces nègres sortis de Compton. Et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes. Mec, si je mens, l'enfer m'attend. J'rallume le feu de la révolte, j'brûle les bouquins de Fernand Nathan. Guéri m'a dit divorce, pas de blasphème, j'ai mille grandes sûretés. J'rappe ma vérité nue, genre crazy horse, cogne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé par la street, j'avance entre les croix gammées. Les croix cramées. À livrer, j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal. D'en bas, c'est nous la France, négro, comme Alexandre Dumas. Puis la primaire, leur crâne encaisse pas son du tam-tam. Musique nègre égorge le rossignol, nos gueules en prime time. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence! Musique nègre, Gabriel ce week-end. On fait de la musique nègre. Je suis revenu choquer leur quota. Choquer leur quota. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence! Musique nègre. Gabriel's weekend. On fait de la musique nègre. Musique négrière pour un feat. Là c'est Kerry James qui m'invite. Secteur A tout simplement noir. Ménage à trois et mafia qu'un free. Je serai dernier s'il n'en reste qu'un. J'ai croisé des regards mesquins. Controversé dans mes vers. C'est comme un concert de Black M à Verdun. Puisqu'on nous critique dans nos combats. Ma négritude dans le coma. Votre presse a bien fait semblant. Quand Laurent Blanc parlait de quota. Nabanga Kali Sousouté. Nabanga Kaboutouté. Nabanga Kakakandambe. Nabanga Kamoutouté. Négla Kai c'est ça. M'a prêté la yo pérélé. Musique nous yo pas aimé. Coulé nous yo dénigré. West Indies, négro radical. Haïti, royaume d'Africa. Qui va défendre tous nos écrits? C'est ni le cran, ni même la licra. Prime. Musique nègre. Pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. Gabriel's weekend. On fait de la musique J'suis nègre. J'suis revenu choquer leur quota. Choquer leur quota. Musique nègre. Pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. Gabriel's weekend. On fait de la musique nègre. And we are back on KFAI. Voilà. You're listening to Bonjour Minnesota. It is 8:45. Mm-hmm. Voilà. And we just listened to three songs to celebrate Black History Month. The first one was from Laurent Voulzy with Le Soleil Donne. And then after that, it was MC Solar with Les Colonies. And then just now was Kerry James, who's also an actor. Mm-hmm. I mean, he started rapping, yes. But he became actor. I think... I think one of his movies was on Netflix, and I think he has the sequel. Yeah, he does. It's like, is it Gangland? No. Or it's one of those French movies that he's he's playing. I think it was Flo, but... Flo, yeah. Yeah, it's Flo. And it's Flo, that's correct. No, where his I remember, younger yeah. brother is like trying to get into like a low career and stuff like that. Yeah. It was pretty cool. Yeah, it is a good movie. Yeah. So at 9 o'clock, we still have 15 minutes, but we'll talk about the events coming up in the Twin Cities. And we're celebrating Black History Month. And in France, slavery was stopped like... Street flow. Yep. It was abridged the first time during the first revolution. When they took over, mm-hmm. but Napoleon put it back. Actually, it was not really enforced the freeing the slave. And in the 1300s, Saint Louis Le Croiset. Yeah, he's the one who decided that. It was based mostly on the serf, but he decided there was not going to be any slavery anymore. So anybody who came to France was freed. And so most of the slavery that happened were in the colonies, Caribbean, Africa, West Africa, North Africa. And it's in the Caribbean, that's how we got like Alexandre Dumas. to be free, because his mom was a slave and his dad was a white man, and he brought him to France, and therefore he became free and he became a writer, and we owe him like The Three Musketeers and Comte de Monte Cristo. So talking about Le Comte de Monte Cristo, have you seen the movie? That's okay. He's in competition for the César, and he's very likely to is on the top three. I think they had 14 nominations. Yes. I watched it recently. It's like 3.5 hours long. Oh wow! But it's really good. So if you get an opportunity to see it at in a theater here, because it came out in the US in like December 20th. I just saw it. Yeah, like recently. As I was traveling. On the plane? I saw it, I think, online. Yeah. Oh, yeah. Mm-hmm. It was maybe playing on the plane, platform. But I didn't want to see it on a, on the conditions. A 9-inch screen. Yeah, mm-hmm. It's well done. It's a good story. Yeah. Check it out. Cool. Mm-hmm. Oh, yeah. I love the Comte de Monte Cristo. The story is amazing. It is. Oh, yeah. So, really, during the First Revolution, slavery was stopped, but it was really not enforced. It got enforced after Napoleon, because Napoleon was supported by a lot of the big plantations in the Caribbean. So he wanted slavery back. And then when the Second Republic came up, they really did what they had to do. Mm-hmm. We're going to listen to more songs. Eh ben, oui. We're going to listen to a band called 113. Oh oui, 113, bien sûr, Marseille. I don't know. Ah bah oui. I don't know. Mm. I don't know anything about Marseille. Ah bah oui. So, c'est la lobotomie, ça. Yeah, must be it. And the name of the song is Antiracisme. And then we're going to listen to two songs from Alpha Blondy. The first one is Sale Raciste, Dirty Racist. And the second one is Mr. Grande Gueule. And une grande gueule is someone who has like a big mouth or loud mouth. So Alpha Blondy is suggesting that they just keep it quiet in a different way. All right, on y va. C'est parti. Eh ben, c'est parti, mon kiki. La paix pouvait embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs? Ne lui vendez pas vos âmes. J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hante, qui aiment la vie mais celle-ci leur a fait un baiser mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour de paix, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui s'aiment. Ton cœur c'est pas une télécommande, mais on veut tous une femme présente. Même dans la tourmente, chacun regagne son domicile. Comme des tranchées, ta couleur de peau peut faire de toi un étranger, tu trouves ça normal? Moi je me sens chez moi n'importe où. Citoyen du monde avec peu de moyens mais libre au moins. Au fond de moi j'ai du mal à comprendre. Quand je vois c'est mon mal vécu mal nourri, victime de maltraitance, Vitry, mon cadre de vie, rongé par le trafic, de l'amour au compte-goutte comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du bon pied, traverse les flammes, courageux et brave comme un pompier. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs? Ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable, dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. En tant que Rastaman, je mène mon combat. Je veux la paix, l'amour, mais pour le diable, j'ai des coups de tombard. Je lâcherai pas l'affaire, non, je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme fer, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en vrille. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe

nangai pati sangana j'aime pas ta gueule Mr. Grand Gueule Mr. Grand Gueule rends-moi un service ferme ta sale gueule Mr. Grand Gueule rends-moi un service ferme ta sale gueule si tu n'as rien à dire tais-toi tais-toi si tu n'as rien à faire casse-toi casse-toi t'as pas le monopole de la bêtise t'as pas le monopole de la sottise tu crois que t'es cool mais t'es con tu crois que t'es cool mais t'es con t'es le roi des cons Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude. Le nègre ne clame pas sa négritude. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. L'histoire que tu falsifies. Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es pas Che Guevara, encore moins Nelson Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas, Doumi Afeba. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Tu es un tigre en papier qui clame sa tigritude. Tu es un tigre en papier mâché qui clame sa tigritude. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule, j'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can contact us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonjour Minnesota is on KFAI radio without boundaries. Exactly, and it's supported by your money. And based on how things are going, I think the federal money is probably never going to come. So, feel free. I mean, we're going to have like the pledge drive, the spring pledge drive. March. Yeah, it's not yet, but you can always give whenever you want, whenever you can. Yeah. We listened to three songs. The first song was from the band, 113. And the name of the song was not what I said before, anti-racisme, but Jour de Paix. And it's featuring Black Renegade. And 113 is a band including African and Caribbean roots, including people from the island of Guadeloupe, originating from Guadeloupe. And 113 refers to the number and the name of the building of the founding members of the band. Oh, so not Marseille. Not from Marseille. 13 is the department of Marseille. They have some songs, though, that are from Au Sommet. Yeah. If you listen to Au Sommet, and these are like... I don't know many people from Marseille. Anyway, and then after that, we listened to two songs from Alpha Blondie. The first one was Sale Raciste, and the second one was Mr. Grande Gueule. And it's from his album, Ja Victory. And we're going to keep on celebrate Black History Month for the next hour. But in the meantime, I'm going to talk about the events. And for one of the events, we have tickets for you guys to offer, two pair of tickets. Mm-hmm. So if you're interested... We just need you to send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. We just need your name, phone number, where you can be reached. So if it's canceled or moved, and the email address, you will have it. So it's not for this one, but I will let you know what concert it is. Actually, it's Beau Soleil, and it's on Thursday, February 13th. So it's out. So feel free to send me an email. bonjourminnesota@gmail.com. The first event I want to talk about is coming up this Thursday at 7:30. It's called Timon Cajun Band, and it's at Eagles Shadow World. And so it's in Minneapolis, like 2507 East 25th Street, at the Eagle 34. And Timon Cajun, they are from Louisiana, something like that. Yeah, the Louisiana phenomenon, Heartbeat magazine has called creative fusion of classic country and out-of-the-way Cajun. Mm. So, with a combined 10 Grammys, wow, nominations. French and Creole ballads. Mm-hmm. Talking about more Cajun, Bachman's Music in the Garden is going to be Sunday at 1 p.m., between 1 and 3. And the Bachman is located at 6004 South Lindale Avenue in Minneapolis. And we're going to have it's going to be the new Riverside Ramblers with Eric Moran and all the troupe. So that should be fun. Mm-hmm. And I don't see any cost, but it's going to be by the Patrick's French Bakery and Cafe inside Bachman's. So that should be cool. I mean, the food is good too. So, Les Navigateurs de la Littérature on Wednesday, February 12, from 7 to 8. It's an event by the Alliance Française. It's a book club and it's online. So, you can check out for the link at afmsp.org or you can go on the Facebook page, whether you go to the event from the Alliance Française or on our page, there's a link to the tickets. I don't think there's any fees, but... But you need to register. But you need to register. Well, I mean, if you want to do it online, that's better to get the link. So, Beau Soleil, as I was saying, Thursday, February 13th at 7 p.m., it's going to be at the Dakota, and they are wonderful. So, you can buy tickets, but you can also win a pair of tickets by sending name, phone number, and email at bonjourminnesota@gmail.com. We have two pairs, so you can go with a plus one. And then, last but not least, an evening with Cyril Aimé And it's going to be at the Parkway Theater, and I don't know that we can have like tickets for it. I forgot to ask. The Parkway Theater is 4814 Chicago Avenue, and because it's on the 14th, it's Valentine's Day. So, she's a Grammy nominated jazz singer. And she didn't get the Grammy last time, but she looked wonderful. Mm-hmm. And she's pregnant. Oh. And her belly is showing. I mean, like, not like the skin, but like she has a small bump now. So, and as far as I know, it's number one, but I don't know everything. And yeah, she's wonderful. If you don't know Cyril Aimé, she's definitely worth it. She does like some songs in French, some songs in English, and she's jazzy and she's very entertaining. Good. All right, that's about it. Okay. So bonjourminnesota@gmail.com if you want to go see Beau Soleil and Michael Doucet, and it's at the Dakota. We're going to keep going with songs about to celebrate Black History Month. We have lined up La Galicie, and the name of the song is Antiracist. Then we're going to listen to Dadju with Dis-moi, mm-hmm. or Tell Me. And he's talking about the color of his skin. And then a collective called SARC, S-A-R-C, Chanson contre le racisme. Okay. Okay. Parfait. On y va? Très bien. Admirer les pointillés dessinés sur le papier tellement d'être vivendu. Et pour qu'ils soient ainsi présentés, nous sommes en 2017 et c'est toujours d'actualité. Les gens perdent la tête pendant que tu rêves. La beauté des femmes congelant leurs enfants. D'autres sont d'ignobles parents, des pères devenus violents à cause de l'alcool et du manque d'argent. Merci le gouvernement, la cigarette et l'agneau tuant librement contre votre argent. Nos dirigeants sont des mécréants créant des conflits ayant pour profit leurs seules effigies, leur gros porte-monnaie. Poutine pour la blanche Russie, Trump pour les États-Unis, Kadhafi pour la Libye, Bachar al-Assad en Syrie, Ben Ali pour la Tunisie, Jean-Marie pour le front nazi. Réveille-toi qui es citoyen du monde, tu es le doyen, alors donne-toi les moyens. Si tu veux pouvoir voir plus loin, le racisme est le fruit du crétin. Quitte son chemin, sois plus malin, agrippe cette main qui te dit bien. Ou subis le courroux des gens bien. Réveille-toi qui es citoyen du monde, tu es le doyen, alors donne-toi les moyens. Si tu veux pouvoir voir plus loin, le racisme est le fruit du crétin. Quitte son chemin, sois plus malin, agrippe cette main qui te dit bien. Ou subis le courroux des gens bien. Je ne comprends pas vos problèmes de couleur de peau. On est pourtant tous égaux, de bras, de jambes, un cerveau. Un cœur pour certains, c'est sûr, des pensées plus ou moins pures. Des plans pour les temps futurs, malgré toutes les misères qui perdurent. C'est fini l'époque des colonies, fini torturées. En Algérie, de livrer les juifs aux sales nazis. Donc collabo, dégage d'ici, tu n'as pas ta place dans la société. Tu voles notre liberté, tu piétines aussi l'égalité, la fraternité, le peuple français. Réveille-toi qui es citoyen du monde, tu es le doyen, alors donne-toi les moyens. Si tu veux pouvoir voir plus loin, le racisme est le fruit du crétin. Quitte son chemin, sois plus malin, agrippe cette main qui te dit bien. Ou subis le courroux des gens bien. Réveille-toi qui es citoyen du monde, tu es le doyen, alors donne-toi les moyens. Si tu veux pouvoir voir plus loin, le racisme est le fruit du crétin. Quitte son chemin, sois plus malin, agrippe cette main qui te dit bien. Ou subis le courroux des gens bien. Pourquoi c'est toujours plus difficile que les autres? Dis-moi, est-ce que c'est notre faute à nous? Oh, dis-moi, pourquoi ma vie serait-elle si différente des autres? Dis-moi, est-ce que c'est notre faute à nous? Dis-moi, pourquoi ma mère me disait d'être plus fort que les autres? Dis-moi, et d'être solidaire entre nous? Oh, dis-moi, donne-moi la force de pouvoir changer un peu les choses. Dis-moi, que ceux d'avant soient fiers de nous.

J't'allais d'entendre dire qu'un groupe est inférieur ou supérieur. Élève ton esprit car on a chacun nos valeurs. J'apprends à connaître les autres au lieu de porter des jugements. Si tu commences ta frappe parce que je racisme, chatement. Pour l'évolution d'espèces humaines, faut qu'on se rassemble. Parce que dans le fond, c'est fou comment qu'on se ressemble. Si un jour le mot racisme n'existe plus, tant mieux. Après tout, il est apparu dans le dictionnaire en 1932. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes. Et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes. Et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. And we are back on Bonjour Minnesota. Indeed. Yes, and it is 9:19. Mm-hmm. It is just nine. Listen to three more songs. Voilà. Yes, to celebrate. To celebrate Black History Month. Mm-hmm. So we listened to three songs. The first one was La Galicie with Antiraciste. The second one was D'Adieu with Dis-moi. And the third one was S.A.R.C. with Chanson contre le racisme. Mais like Spinitron recognized another song. Oh. So with like a different name and different artist. So I'll have to investigate. But we are celebrate Black History Month and we're going to keep on going. We're going to listen to Diawali and it's rap. And the name of the song is T'es raciste, featuring Soso, You're Racist. And the name of the album is Je l'aime, mais elle vote FN. I love her, but she's voting like extreme right. Then we're going to listen to JMF Villa with Ma couleur, or Le racisme. And then Colonel Rayel with La Bonne Couleur, or The Right Color. Très bien. Well, super. That sounds great. I'm going to say goodbye because I think after this set, I'm going to get going. But yeah, it's always a pleasure, gents. Well, thank you for hanging out with us. Oui, avec plaisir. And stay warm. Oui, et très bon séjour à Paris. Thank you. Have a great time. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Adrien. Bonne soirée. The programming is supported by Minnesota Opera, presenting The Snowy Day, running February 8th through 16th at the Ordway in downtown St. Paul. The Snowy Day is an opera based on the award-winning children's book by Ezra Jack Keats, bringing center stage the fleeting but indelible magic of childhood. Tickets at mnopera.org. J'ai voulu lui dire que je la kiffais mais elle s'en fichait. J'ai tenté, je me suis rapproché mais elle m'a giflé. Et j'ai fini par comprendre la raison qui fait qu'on peut pas s'entendre. J'la mate dans sa chambre depuis des semaines, elle a des posters de Marine Le Pen. Dans son Facebook j'ai appris que dans ses amis il y avait des néo-nazis. Elle veut brûler toutes les mosquées, dénoncer tous les sans-papiers. Même ma rose elle l'a jetée car elle venait d'un Pakistanais. Elle veut pas de moi, ça me fout une baffe. Elle ne voit pas que je l'aime comme un blédard, elle me la caffe. Oh bébé, sans toi je suis mort. Pour toi je mangerai du pain. Les étrangers, tu veux pas les voir. Tu veux pas de lui parce qu'il est à moitié noir. T'en peux plus des barbus, des moutons dans les baignoires. Tu veux virer les roumains qui dorment sur ton trottoir. T'es raciste, t'es raciste. T'es raciste, t'es raciste. T'es raciste, t'es raciste. T'es raciste, t'es raciste. Elle aime pas les basanés. Pas les basanés. Elle aime pas les basanés. qu'on me juge par ma couleur. Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. Je continue mon combat, reste avec ou contre moi. Je me suis fait menacer par des gens qui sont sur mon cas. Éviter la violence, c'est pour ça que je l'ai pas sonné. Je veux garder mon casier pour pouvoir travailler. Ils font tout mais je reste calme, j'ai quitté mes palmes pour venir jusqu'ici. C'est parce que j'espérais et des fois je me demande pourquoi pas retourner là-bas. J'aimerais avoir des ailes et ensuite m'envoler, me retrouver loin d'ici. Mais je me fais la promesse de me défendre, ça avec ou sans toi. Je suis qu'un immigré qui a traversé la mer. Maman m'a emmené pour échapper à la misère. J'y croyais sincèrement qu'ailleurs serait meilleur. J'avais la certitude que j'aurais plus jamais peur. C'est pas exactement ce que je remarque ici. Certains n'aiment pas voir trop de foncés par ici. Parfois c'est dur la façon qu'on m'aborde. C'est pire qu'une blessure que j'aimerais mieux me faire mordre. Comment donner ma confiance aux voisins qui me trahiraient du jour au lendemain? Mon chien est meilleur que ces mauvais humains qui refusent de partager même un petit pain. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejette mes enfants. Souvent c'est tough d'être moi-même, impossible d'être moi-même. Je me crée une image pour faciliter mon parcours. Sincèrement c'est pas mental, j'y pense jusqu'à y croire. J'y pense tous les soirs, des fois ça me pousse même à boire. Quelle défense est permise? C'est plus grave que je croyais, c'est une infection non banale qui me traite à sa guise. On dirait l'effet d'une bombe nucléaire artisanale. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. C'est la peur qui nous tue. Mes ancêtres sont morts pour le pays et j'ai mal quand j'entends le Front National déverser sa haine en une du journal. Refuser à certains le minimum vital, refuser l'asile à des enfants, faut être fou. Avant d'être français, on est humain avant tout. Où est l'amour dans leur discours? Je suis français et je les emmerde. Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur? Pour que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur, et celle qui nous réunira. On en est toujours au stade des cris de singes. Des noirs chez les bleus, ça dérange certains. Mais à eux étaient esclaves, ça faut être grave. Comme on nous mène en bateau. Si t'as pas la bonne, t'en verras toutes les couleurs. On parlera de bruit et d'odeur. Liberté, égalité, c'est ce qu'on nous matraque. Mais comme c'est au que faire quand la police attaque. Encore combien de ziers des brunas. On réclame justice pour Adama. Crier sont les bavures, brûler sont les voitures. On est français et on les emmerde. Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur pour que la France ouvre ses bras? Oh, la bonne couleur est celle qui nous réunira. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des ors. Tant qu'ils auront des dogmes, il y aura des dogmes. Là où est la différence sera l'ignorance. Et là où est l'ignorance, il y aura violence. Tant que la couleur de peau sera un problème. Par tous les cas, Kalachnikov éteindront sans gêne. Les récits de poèmes ainsi que la bohème. Aurait-il accepté si j'avais la problème? Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur? Pour que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur est celle qui nous réunira. Ai-je la bonne couleur? Yeah. Ai-je la bonne couleur? Oh, ai-je la bonne couleur? Ai-je la bonne couleur? Pour eux, sûrement pas. Pour eux, non. Je suis noir et je compte le rester. Bomba clat. Group of Black Minnesotans were the first to declare a black space for the practice of cultural arts. I'm Kenna, here with a moment in Black Minnesota history. Voice of Culture started as a drum and dance group, drumming in every studio and performing on almost every stage in the Twin Cities. Voice of Culture evolved to a community organization working on black liberation. Voice of Culture helped to nurture many culturally iconic artists in Minnesota, such as Alta Wam, Deja Joel, Keta Sarman here, and more. To learn more about Voice of Culture, say VOC and visit voiceofculture.org. All right. Okay, we're back at 9:31. Still listening to Bonjour Minnesota. On KFAI. And this is Freddy. And Romain, and Adrien's gone. Yeah, he is indeed. So we listened to three songs, Diawali with Des Racistes, and then Pas les Basanés. No. Basané is like someone who's like, I would say brown, brown color. J'aime Villa with Ma Couleur. And then Colonel Rayel with La Bonne Couleur. And we're going to listen to more songs. We're going to listen to Orchestre Tropicana with Le Nègre. Then Hervé Tirefort with Chanson de l'Esclave, a song from The Slave. And Daniel Forestal with La Prière de l'Esclave, or The Prayer from The Slave. Mm-hmm. All right. The Slave's Prayer. On y va? Yep, yeah, c'est parti. La fierté d'être nègre réside chez tous les Haïtiens qui se souviennent des prouesses de nos ancêtres les martyrs pour nous conquérir cette terre Haïti. accueillant n'importe qui avec fraternité. Le nègre, c'est un peuple jeune intrépide, le seul au monde à lever les yeux grands, même devant son seigneur, dire son patron, sachant que pour lui il n'a que du sang dans les veines. Par ce sentiment de fierté, je me suis fait l'interprète bénévole à chanter allègrement le nègre notre race. Oui, je me sens fier d'être de la race de Toussaint Louverture, le véritable père de la négritude. De Jean-Jacques de Salines qui mène après lui là-bas vers les rives glorieuses et ensoleillées. De Caprès la mort qui lui t'a crié en avant, en avant, l'orme de la renverse de sa monture par un boulet. De Baron Tonnerre qui, dans un élan de sublime admiration, a déclaré: pour rédiger l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne de victoire, son sang pour encre et une baïonnette plume. Son patron, sachant que comme lui, il n'a que du sang dans les veines. Mais par ce sentiment de fierté, je me suis fait l'interprète bénévole à chanter allègrement le nègre notre race. Soit à toi, grand Dieu, et tous mes remerciements pour m'avoir fait voir le jour dans les entrailles, mon cœur s'abat, intrépide, grandissant, le nègre. Ils m'ont dit: tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer. J'ai travaillé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit: tu n'es qu'un enfant, danse pour nous. J'ai dansé pour eux et ils ont ri. Et ils ont ri. Ils m'ont dit: tu n'es qu'un sauvage, laisse-la tes totems, laisse-la tes sorciers, va à l'église. Je suis allé à l'église et ils ont ri. Oh, ils ont ri. Ils m'ont dit: tu n'es bon à rien, va mourir pour nous. Sur les neiges de l'Europe, pour eux j'ai versé mon sang. L'on m'a maudit et ils ont ri. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ils ont ri. Alors ma patience excédée, brisant les nœuds de ma lâche résignation, j'ai donné la main au paria de l'univers et ils m'ont dit désemparé, cachons mal leur terreur. Panique, meurs. Tu n'es qu'un traître, meurs, meurs. mort. Tu n'es qu'un traître, meurs. Meurs. Tu n'es qu'un traître, meurs. Si tu ris, et j'ai ri. Attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Mon triste sort ne peut rendre aux jaloux, mon beau pays ne me paraît plus doux. Je n'ai pour bien que ma triste chaumière, mais mon cœur qui espère trouvera le bonheur. Depuis 30 ans attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Esclave, oui, toujours souvenez-vous du frais sanglant enlaçant votre cou. Homme du ciel, priez donc tous ensemble que la chaîne qui tremble vous libère un beau jour. Depuis 30 ans, attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Triste sort ne peut rendre jaloux, mon beau pays ne me paraît plus doux. Je n'ai pour bien que ma triste chaumière, mais mon cœur qui espère trouvera le bonheur. Depuis 30 ans attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. KFAI is proud to present The Craft. Hip-hop songwriters showcase at the Cedar Cultural Center on Tuesday, February 11th. The Craft is a showcase that highlights the nuances that go into great songwriting and hip-hop. Curated by Sure Shot Productions, this night of storytelling and dancing features some of the best local artists making music in the Twin Cities, with performances from Longshot, Just Justice, TR Also, Drunken Monkey, and DJ Snuggles. Tickets for The Craft Hip-Hop Songwriter Showcase can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà. We're back. Yes. It is 9:43 and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. It's Tuesday night and we are here in the studio with Freddy. Yeah, and Romain. And we just listened to three songs with the Orchestre Tropicana, with the Le Nègre, then Hervé Tirefort with Chanson de l'Esclave and Daniel Forestal avec la prière de l'esclave. Yeah, that was cool. Yeah, a good selection. And we're going to continue with three more songs. And we're still on the Black History Month celebration. And we're going to start with Fatal Mambo, with La Tête à Gaston, Gaston's face. Then Serge Lama, avec L'Esclave, The Slave. And then Kids United, she's a group of kids, is the name. And they're going to sing On écrit sur les murs, we write on the walls, qui est un, it's a song originally by Demis Roussos, the Greek singer. So we're going to start with Fatal Mambo. Indeed. And just before we start, I want to remind people that we have another pair of concert tickets for Beau Soleil on Thursday, February 13th. So just send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. And we just need your name, phone number, and email, and that you want to go. And yep, congratulations to Jonathan for winning one pair. The first pair, yes. All right, so let's start with Fatal Mambo. Dans le quartier du béton, c'était 70. Ça ne sentait pas bien bon. Gaston était bien tranquille. Ça a dû les énerver. Et c'est donc pour ce mobile qu'il a pris la tripotée. Pendant qu'il s'acharnait sur ce pauvre Gaston, puis la voix s'écria: et si c'était pas le bon? Et quand il disait ça, le brigadier reconnu l'un des ministres les plus en vue, celui qui était hier soir à la téloche. Ça sent pas bien bon pour la brigade. Ça sent pas bien bon, bande de cons. Ça sent pas bien bon, mauvaise limonade. Ça sent pas bien bon, c'est le bonbon. Ça sent pas bien bon, adieu les grades. Ça sent pas bien bon. Inspecteur, ça sent pas bien bon. Mes frères et mes sœurs, ça sent pas bien bon. En vérité, je vous le dis, ça sent pas bien bon. Ça sent pas bien bon. Ah, que c'est une histoire qui ne sent pas très bon. Ça sent pas bien bon. Ah là là là. Ah, dans un harem byzantin où pour trouver le paradis, je m'étais déguisé en chien, une esclave m'a dit. Moi je voudrais des perles lourdes, des perles noires, des émaux, être muette et presque sourde, pour que tu me berces de mots, des mots qui ressemblent à la mer, des mots où l'on voit à travers, des mots d'amertume et d'amour, des mots tendres et des mots lourds. Moi je voudrais des chambres pleines où je m'étendrai toute nue, cerclée de chiennes et de chênes, buvant des boissons inconnues, des boissons de vie et de mort, des coupes pleines à ras-bord, où poser mes lèvres mouillées sur des sofas agenouillés. Moi je voudrais un noir esclave aux dents blanches fortes et cruelles, qui partagerait mes entraves et qui m'emmènerait au ciel. Dans la moite longueur du soir, moi toute blanche, lui tout noir, il mordrait mon corps en rampant avec des lenteurs serpent. Moi je voudrais être une fille qu'on épuiserait de plaisir derrière des vitres et des grilles, jusqu'à dormir, jusqu'à mourir sous mes paupières violacées. Tu vois, je n'ai qu'une pensée, être une femme pour de vrai, une vraie femme, s'il te plaît. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Nos noms l'ont écrit, car dans la nuit, tout s'efface. Mélangeons de l'art. dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Voilà. Voilà, voilà. Well, you had a glimpse of what's coming up. Exactly. We listened to three songs. We listened to Fatalement Beau with La Tête à Gaston, Serge Lama with L'Esclave, and Kids United with On écrit sur les murs. Yeah, and that was very nice. Yes. It is 9:55. Yeah, we gotta go. Yes, so we're going to say goodbye. Soon, yeah. We'll be back in the studio next week. Yes. For a special Saint-Valentin. Yes, and on Facebook, on the Bonjour Minnesota page of Facebook, I did a post asking what's your favorite love song in French. And we're going to play them. And we're going to play them. So that should be nice. Yes. Also, we still have like one pair of tickets left for Beau Soleil on Thursday, the 13th, February 13th. Yeah. So just send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. We just need your name, phone number, and email. All right. Okay. What are we going to listen to? So we're going to listen to Les Enfants Fantastiques with Les Tous Pareils. Les Enfants Fantastiques, On est tous pareils, we're all the same. Yes. And maybe Collectif Tous les Mêmes with Stop à l'esclavage. Stop to slavery. And so, bonne nuit, bonne soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sweet dreams, stay warm. Soit noir ou blanc, tout petit ou blanc. toi